Bendo Zarzis et qui est Bendo Z, connu pour extorsion et vol à main armée. Pour ma sécu, j'ai pris un fer comme à l'armée. Et au comico, j'ai appris à la fermer. Il faut de l'or et des lingots, puisqu'il est noir et le berlingot. Y'a qu'un pote ou une pute qui peut me donner un go. Tu veux savoir où je suis, tu veux des infos. Je peux pas m'arrêter comme une info. Pour ça que le casier n'est pas vierge, juste pour info. Je suis un vrai, ils m'ont pris pour un fou, ils m'ont pris pour info. Bendo Zarzis et qui est Bendo Z, connu pour extorsion et vol à main armée. Pour ma sécu, j'ai pris un fer comme à l'armée. Et au comico, j'ai appris à la fermer. J'ai vendu de la beuh, mais je ne suis pas fermier. Tu rappes bien, mais tu peux pas faire mieux. Inspiré, t'es réel, tu peux tous les allumer, les yeux fermés. Des diamants sur la montre, car le temps est précieux. Tout vient au bon moment, le destin est précis. Quand ils voient les keufs, le guetteur est pressé. Fuck, fuck le 17, les poulets braisés. Tout le monde veut devenir quelqu'un, mais c'est pas donné à n'importe qui. Je fais un leasing, je mets un apport, le concessionnaire me rapporte les clés. Le single d'or est chez ma mère, le platine chez mon père, chez moi y'a R. J'ai pas encore tout gagné, mais j'ai plus rien à perdre. Mon talent parle pour moi. J'ai plus rien à dire, donc j'ai plus rien à prouver, donc j'ai plus rien à faire. Ce que tu fais, on va te faire. Donc je relativise quand on vole les affaires. C'est une course de fond, c'est pas à 100 mètres. J'attendrai même 10 ans avant de te la mettre. Quand la guerre sera finie, on ira voir la mer. Si ton quartier saute pas pour toi quand c'est la merde, ça veut dire qu'un pote et une putain c'est la même. J'ai toujours compté seul le putain des lamelles. Ils font les voyous dans leur belle maison. Ma vie c'est comme un film de Luc Besson ou une série. Là c'est une nouvelle saison. Quand on perd chez moi, y'a pas de belle saison. Inspiré de réel. 6 dans ta mère, t'es des sous. Pour faire la guerre, j'ai branché ton IDF pour avoir ta tête. Je suis différent, premier en sport et pas premier en chant. J'étais plus fort, mais je me suis mis à chanter. J'ai vu ce qu'il est que l'école et le chantier. Je suis différent, elle et mon casier, y'a pas trop différencé. Elle va te kiffer parce que tu fais rentrer. Elle va te kiffer pour ce que tu fais rentrer. Je suis différent, premier en sport et pas premier en chant. J'étais plus fort, mais je me suis mis à chanter. J'ai vu ce qu'il est que l'école et le chantier. Je suis différent, elle et mon casier, y'a pas trop différencé. Elle va te kiffer parce que tu fais rentrer. Elle va te kiffer pour ce que tu fais rentrer. Juste comme si j'étais un morceau de canne. Pas besoin d'aller au festival pour qu'on te canne. Envoie le compte, le rime et la deca. Tu crois que tu vas être chéri, mais t'es un tocard. De Beckham, j'ai enlevé la béquille sur la bécane. Ils ont jamais touché un pétard, ils connaissent les beurs grâce à la P4. L'appel d'un Yankee, c'est l'appel du devoir. L'appel du Yankee, c'est notre call of duty. Si t'en as marre de l'école et de faire tes devoirs, fais comme au steak, je prends le calage, très chic. J'arrive comme moi, Francesco Totti, Bendo Z, meilleur genre de la Totti. T'es dans l'attitude, il faut pas dit. Je rentre dans un coffee et je ressors avec Titu. Je rentre dans la cabine et je ressors avec Titu. T'as vu Bendo, il est pas bête, il est têtu. Et les mots jours de Spotify, il ne lit plus. J'ai jamais vu, mais il fait des sous Titi. Mon genre préféré, ça pète Titi. Quand t'as pas sonné, on t'a pas fait Titi. Rien à célébrer, y'a pas trop de chin-chin. Ils ont peur de la mort, ils préfèrent le Titi. Toujours en pétard, je rentre dans le club, je ressors avec une quiche d'art bien bien chéchard. Toujours la même formule, c'est tout pour le clan comme Rayquan. Nous fais pas trop d'histoire, le frère à droite a les accessoires. Devant le but comme de Préville, je reste loin des mecs neutres et vides. Porte tes couilles, pauvre imbécile, ouais, si tout le monde t'aime, je me méfie. Chez qui je suis un africain, point la ligne. Pas un plouc aux cheveux colorés pour prendre la ligne. Je suis encore dans ce putain de circuit, me parle pas comme si j'étais ton camarade. J'ai encore tenir un clip, c'est un film, je suis devant et derrière la caméra. Je suis présent dans la tempête, je suis pas un pirate de marée basse. Crit sans short du terrain en bonhomme comme Moussa Mariga. Killuminati, t'as les Killuminati, travaille en équipe, mais c'est moi qui fais la diff. Je vis des hommes crevés dans l'indifférence, rêvant d'avenir comme les migrants dans les navires. Y'a plus rien à faire, poteau, y'a plus rien à dire, je suis bloqué comme RN à paradis. Faut que je m'en sorte, ça va vite. À part moi, je peux demander ma part à qui. Et le staff fait péter le champagne quand j'annonce que je lance une nouvelle campagne. Ils sont peu ceux qui m'accompagnent depuis le début. Ce putain de combat, pourquoi tu compares pas le même kilométrage dans le compteur, pas les mêmes chiffres, pas les mêmes quotas, pas la même compta, pas les mêmes contacts, pas les mêmes contrats, pas les mêmes contraintes. Tu solo contre eux, y'a pas d'un contraint. Grand cigare Cubano, je me sens libre comme Castro. L'équipage est solide si je suis dans le bateau. Je ferme ma gueule, mes plans vont sauter si j'en parle trop. De calibre et de bourrin, si ça pète pour rien. Ah ouais, tu sais, le sang, y'a plus de gens sensés. Je demain, je devine. De calibre et de bourrin, si ça pète pour rien. Ah ouais, tu sais, le sang, y'a plus de gens sensés. Genre de gens qui te sourient et que la vie n'a pas raté. Dans des trucs de fond pour toi, c'est mieux qu'on parle après. Ce qu'on vit, c'est réel et quand on l'ouvre, c'est pour de vrai. J'ai le cœur à mille morceaux parce que des choses sont arrivées. Y'a beaucoup de peine dans mon survêt d'or et de platine. Tu me dis que tu m'aimes et je te vois dans plein de chim. Mon baraque, c'est mon blasé, c'est aussi pour les intimes. Je dois tout casser pour les bons et pour les intimes. Souvent dans l'impasse, mais t'inquiète, je reste à ma place. Un jour ça me blesse, le jour d'après ça me passe. Faut garder la mentale, tu sais, pour moi c'est la passe. Provoque pas l'intensité, sinon dans ma tête ça s'embrasse. Tu comprends dans la vie, parfois en buvant la tasse. J'en apprends dans le dur, frérot, j'en apprends dans l'impasse. C'est devant des gros soucis que je suis obligé de faire face. Garde ton amitié, je vais prendre mal le coup de grâce. Je calibre de bourrin. Et ça pète pour rien. Et ouais, tu sais, le sang, y'a plus de gens sensés. J'ai deux mains, j'ai deux vilains. De calibre et de bourrin. Et ça pète pour rien. Et ouais, tu sais, le sang, y'a plus de gens sensés. J'veux pas trop me prendre la tête si j'veux aller à 6000. J'avance quand j'prends des risques, j'espère que t'assimiles. Si j'mets un pied devant l'autre, c'est pour viser dans le mille. Je fais mon tour de zone par les petites rues de la ville. Ferme ta bouche, petit con, l'argent j'me dis, ouais, faut. Mais constamment je peux faire qu'un constat amer. J'ai jamais dit que je voulais ton amour jusqu'à ma mort. Plus au bord de la mer qu'au bord de la mer. Éprouvé constamment je peux faire qu'un constat amer. Pardonne-moi mes erreurs si je les nie pas. C'est pour te protéger si je les dis pas. C'est plus facile de juger ce que tu vis pas. Constamment je peux faire qu'un constat amer. J'arrivais de la vie de palace de Zach et Cody. Au lieu de ça je suis dans les taudis avec des sabots condis. Je dirais pas que je suis maudit, j'ai pas de mal à me prosterner. Mais personne peut tenir le cardio quand le bloody veut te faire cavaler. Selon mon humeur, ça varie, je prends sur moi comme un salarié. Défendre une cause qui sert à rien, en tenant les murs pour du papier, c'est ça la rue. Produit vendu, mon pendu, de 12 à 12 sur la pendule. J'ai rêvé de l'impossible comme un cauchemar pour un somnambule. Que des doses qui vont contre ma cause, ma thèse, mais la thèse, il m'attache. Le cache de la queue de refaitage dans la fouille. Quand les keufs se fâchent, je détache et j'essaye, mais l'oseille m'a causé dans l'oreille. Mon foie fait que draguer la taille, mes péchés, faut que ça lire mes sapes. Bizarre comme un point de vente de coke devant l'Himalaya. Quoi douter comme un aveugle dans une partie de Colamaya. J'ai préféré mouiller le maillot que de faire mouiller des putains strings. Si j'ai charbonné dans la street, c'est pas pour les classes et dans les streams. De nos jours, c'est devenu banal. Au tribunal, ma mère a pleuré des larmes. Ma mère a pleuré des larmes. De nos jours, y'a plus de bonhomme, malheureusement, j'en connais peu. Toi, t'as des couilles, ben moi aussi. Si t'as des armes, et qu'on est deux. Range d'auberge à la salade et au prophète. J'finirai avec une sœur, j'suis pas attiré par les refaites. Pas attiré par les crachbats, les putes qui sucent des queues. Nalchetan, ouais, censure et moi c'est mieux. J'pense aux frangins, ceux qui purgent des peines en tôle. Ceux qui ont pas de famille, ceux qui se font assumer par une femme. C'est triste à dire, mais même tes potes ne viendront pas. On parlera, ben oui, l'ami, compte sur ta mère pour les mandats. Les vrais savent de quoi je parle, j'suis très peu entouré. J'pratique pas la hadra, et ben wallah, pourtant j'pourrais. Poto, quand t'es heureux, ton entourage est malheureux. Dépasse l'île, diront que t'as touché un chèque 100 000 euros. La jalousie les pousse à bout, dis-leur, on n'a pas besoin de marabout. Comment veux-tu que je leur fasse confiance après tout ça? C'est pour ça que je suis tout seul ou bien tu me trouves avec Cousa, cousin. Juste un morceau et je les fais taire. KKKOFS, la RBZ tout comme fait taire. KKKOFS, cousin. Mandat dépôt. En fait, tout ça pour te dire qu'on est tous en mandat dépôt. Qu'on va tous se faire juger. Tout tard, même pour nous, pour la musique. Billet vert jaune comme Jamaïque. Plein de trafiquants comme à Mallorca. Quand y'a les keufs, j'ai vu que tu paniques. J'crois que t'as le syndrome de la pouca. Les mecs comme toi font perdre du pognon. On ramène nos gueules et des prolis. Qu'on déjoue les pronos, les promesses pas tenues. Les violons, les pianos. Nous contre nous, on peut se traîner. Poche remplie, j'suis super salaud. Reste tranquille, j'te donne un salaire. Y'a toujours des pétasses dans le Viano. Y'a toujours des liards dans la mallette. Bolide sur bolide, bas les couilles des palettes. On part dans Pavlina d'escalade. Par jouer au Jeep pour la balade. Elle croit que je l'aime bien, je suis juste belette. Ils ont la bouche sucrée, j'ai très bien ce qu'ils se disent quand je suis pas là. La bagarre ou les mitraillettes. Multiplier l'escalade. Jamais le trajet des paillettes. Toujours les yes, les coupettes. Jamais nous faire des coups bas. Vrai le vrai. Jamais je trahis les miens pour les quoi. Je veux la gagne comme Jimmy. J'arrête mon âme de poids tous les soirs. Je veux la gagne comme Jimmy. C'est trop noir. Je crois que je vais voir le soir. Concentré sur ma mère, je les vois qu'à moi-même mes entrées. L'amitié est ventrée, l'amour dans un ventron. Faut pas te voir trop, ça te fait béton, ça fait de champagne quand t'es. Plus que, donc il reste calme. C'est le 9-3, pas les rues de Cannes. 80 bars, je suis comme Redman. Je me sens comme Shay, dit dans 8 Miles. Allez dire à la juge de se faire mettre. Je suis dans le CL3, je peux me permettre. Poésie de la hure, c'est pas Verlaine. Pour ça que pour eux, la haine nous va à merveille. Avant c'était trop la merde. Aujourd'hui ça barre dans le gros fer. Bien sûr qu'on sait comment faire. Des billets de toutes les couleurs. Avant c'était trop la merde. Aujourd'hui ça part aux dents gros fer. Bien sûr qu'on sait comment faire. Des billets de toutes les couleurs. J'ai dû faire ma place, j'ai dû porter mes coraux. J'ai 3 millions et c'est carré. Plein d'opinales qui s'accrochent à mon Davo. J'crois qu'ils m'ont pris pour un taré. J'ai dû faire ma place, j'ai dû porter mes coraux. J'ai 3 millions et c'est carré. Plein d'opinales qui s'accrochent à mon Davo. J'crois qu'ils m'ont pris pour un taré. J'ai montré qu'un bon faut pas jouer avec. Là c'est toi qui pleure, or tu jouais avec. Tu sors pour le faire, pas pour jouer avec. T'as la langue pendue, on va clouer ton bec. Ma vie c'est un pochon de 10 qui part bien trop vite. Mon armoire est grande mais y'a pas de trophée. J'ai fait de contrôle, j'suis sans carte grise. J'en peux trop mon cœur, il s'est atrophié. Bienvenue dans le monde réel. Le ciel est tout gris, le bonheur qui se fait rare, les sourires c'est pareil. Demande pas t'es comme les autres, un tas de rêves dans la tête, impossible de trouver le sommeil. J'pourrais crier un peu, ça changera pas grand chose. L'humain ne sait pas se contenter. L'humain ne sait plus contempler. chacun pour soi, c'est tant pis. Je me sens privilégié, pourtant je fais pas d'efforts. Je ressens pas trop la vie, puis l'on donne de l'effet. Le cœur rempli de haine, faut que quelqu'un les sort. Cette fois-ci, c'est la pointe, c'est pas mon coup d'essai. J'ai menti 30 fois cette année. Je crois que je suis un peu trop à l'aise. C'est pas Marseille, dis-moi qui c'est. On fait la guerre comme Metal Gear. Marseille c'est le Dawa, Marseille ça tire. J'fais des sous, voilà psatek. Il me faut des armes, faut que t'as pas d'aigle. Y'a pas de fumée sans feu, y'a pas de hasard. Quand y'a un mort chez nous, on fait une salade Genesa. Aïe, j'fais mon bédo à Marseille, c'est le fuego. Aïe, j'fais mon bédo, baby, aïe, si tu fais. Là c'est les hommes qui parlent, y'a les cœurs qui battent et les corps qui partent. Kilo de moula, escorte tout pourra. Fais vite le deal, y'a pas ça qui passe. J'ai des liens épaisses qui débordent des poches. Des physiques qui tâchent, que personne s'approche. Marseille ça parle pas, ça joue de la guitare. Les petits veulent faire, papa veulent faire comme Ivar. Là je suis au télo, les folles ne chipotent pas. Car l'alias est ne joue que le produit ne colle pas. Quand tu arrives en bon maître, un petit direct de posé. Toc toc dès le matin, ouais, c'est quoi ta raison? On se coule de fermer ma dimension. Je mets dans la chaîne, charge en causé. Ça va se refaire, mais faut juste les. C'est sans mes lacets que je ressors du comico. Hey, tu connais l'équipe Anico. Incognito, je les vois en planque dans la tête. Ray, ils m'ont vu, ils ont fait demi. Ta confiance, elle dure pas longtemps dans la tête. Ils me parlaient de toi et aujourd'hui, ils te collent aux fesses. Ils sont beaux qu'à parler des prix de touche à cash. Alors qu'ici, je leur facture à 20 de la pièce. En connaissance de cause, toi t'as pas le bras long. Arrivant ou pas, t'inquiète, on gère au ballon. Mais je peux pas dire qu'ici, y'a zéro balance. Quand ça veut que tu fais le crapaud, faut tenir sa langue. T'inquiète, gros pas, ça te viscère même dans l'auto. Ta gabe R, ça revend des semi-auto. Je suis dans la ville, tu peux me croiser R en moto. C'est dans le taga qu'on veut les 6 chiffres du loto. Benef, mais sur 09. Ça pense qu'on pépette sur 09. Le canon est peu pro, t'inquiète, c'est du neuf. Parabellum, cachette légère pour tout est neuf. On connaît la ville, du plus petit au grand. On connaît ta vie, on sait que t'as rien fait, mon grand. Enculé, y'a pas besoin de donner ton avis. T'as bossé un mois, même pas, tu parles devant les gens. Y'a pas besoin de toi ici, t'inquiète, c'est léger. T'as même pas de coq, et t'es là, tu dis qu'il neige. Énervé, ça part des rétis sous la pluie. J'prenais le rond-point, voilà quand j'irais qu'il neigeait. C'est carré, on fait pas retour au passé. Mais bon, on dirait du zèle, j'ai pas assez. Si tu cherches du ralice, reste pas assis. Trop du cul, y'a un paquet qui vient de passer. Je me rappelle des moments où j'étais de passage. C'est vrai qu'à l'époque, ça disait que j'étais pas sage. Combien de fois je me suis retrouvé dans le passat, mais c'est normal, gros, ça bosse quand toi tu pas chave. Ça sert à rien de me dire t'es chiche ou pas chiche. Tant qu'il y a l'ouvre, ça peut ramener du shit pas cher. T'inquiète, ça va passer, je fais me chicha et shit. Mais c'est rené ou t'en prendre un tel ou pas cher. Ego, c'est la cahier. J'étais pas chargé devant la douane. Arrête tes salades, t'as juste investi sur un kilo. T'as pris un mois pour le faire, tu pars. T'inquiète pas, je suis bien équipé avec un machin. Je peux venir te déséquiper. On s'est mis tous au charbon par nécessité. Tu vas manger, gros, même si celui que t'as cité. T'es mal à peine, gros, ça va faire appel. T'es un malade, c'est solo que je te rends ma paye. Que ça veut ma perte. Heureusement que le ref fait des rappels. T'es mal à peine, gros, ça va faire appel. T'es un malade, c'est solo que je te rends ma paye. Que ça veut ma perte. Heureusement que le ref fait des rappels. Elle kiffe quand je bombarde dans le fer. Ça va trop vite, elle a la main sous le cœur. Tu sais qu'on a trop souffert. Bah ouais, tu sais qu'on a trop souffert. Ici on propose des frappes diverses, le client doux, mais il est fidèle. On fait ta nourrice et puis ta nourrice. Je me sens comme un bacu un matin d'hiver. Et si le hop s'y tombe, une chance sur deux que je l'étrangle avec ma ceinture. L'équipe d'en face est faible et très faible. Chez qui elle mettra pas un but. 22 sur le terrain comme H, j'oublie pas le 3, tu peux demander à H. C'est très bien que mes billets sont sales, ils sont pas propres même si je les mets à la machine. Ils savent bien que je découpe pas la machine. Parisien, mais des fois j'étais à la Madrid. J'ai né dire je t'aime à la Madrid. Avec mon trait sous adré, je suis habile. Avec mon trait sous adré, je suis habile. T'as pour on abîme, tu sens sur mes habits. Eh, souvent ça finit aux assises, que des propriétés. On m'a dit vos abîmes. Je suis avec eux, on a vendu la zip. Zip, pète, crois pas que c'est un film. Et dans la rue, on peut pas perdre de fil. Il a pas ramé ce bolo si frime. On le fait pour ça, on le fait pas pour les filles. Faut que t'es trop pas l'ego, on le fait pas pour les deals. Il me faut les revenus d'un pivot des jazz. Il me faut les revenus d'un pivot des hits. Ego, c'est cuit. Jamais on suce pour grimper. Nos routes chargées comme si j'étais prêt à rafale. 8 ans plus tard, et je suis toujours en indé. Le man est froid comme le canon. Font tous les gravons au summer. Bientôt assez pour deux gars, on sera humeur. Elle veut tout parfait comme Manon au summer. Et je vais jamais en finir. Prévise, me suis, il me prend à l'infini. J'ai une transac vers 20 minutes. Si plus un avec moi, mais on les intimide. Machin, même en pyjama, si jamais ça vient, t'inquiète pas, ça va. Si jamais ça vient, t'inquiète pas, ça va. Toujours le machin, même en pyjama. Les souffles savants bouffons, y'a que l'heure que nous touchons. La nuit, y'a pas de bouchon, les gorgotes nous couchons. Soirée mondaine, y'a la mondaine, bah nous nous camouflons. Je croise les condés dans le 7ème, je leur mets du Alain Souchon. Eh, hey, j'suis dans les tranches, j'ai pas les trends. J'mets plus dans la sauce que Hens. C'est mes bars, c'est pas une Benz. C'est mes bars, c'est pas une Benz. C'est mes bars, c'est pas une Benz. Ouais, c'est juste que nos Hens. Ouais, c'est juste que nos Hens. C'est mes bars, c'est pas une Benz. C'est devenu dur doivent rester honnêtes. La vie te met des gorgettes. Réveille-toi ma Georgette. C'est une féfé, pas une corvette. Je mange du caviar biélorusse. Garé devant chez Paul Bocuse. En plus, bonus, c'est un lambeau, pas une lotus. Bah ouais Jojo, c'est pas un caf. Viens voir si tu cherches du taf. C'est un marque de faire l'esclave. Faire niquer par l'arbitrage. J'ai la rage. Comme quand ton mariage fait niquer par l'orage. Par l'orage, hey. J'esprit rempli de saloperies. Plus dégueulasse que Paris plage. Puis j'ai toute la panoplie pour pas me faire faire par ses tasses. Et puis elles font de la chirurgie. Plus elles ressemblent à des traves. Moi je guette pas la carrosserie. Je regarde le kilométrage. Je suis dans les tranchées, pas les trends. Je mets plus dans la sauce que Hens. C'est mes bars, c'est pas une Benz. C'est mes bars, c'est pas une Benz. C'est mes bars, c'est pas une Benz. Ouais, je sais, je suis no Hens. Ouais, mais c'est juste no Hens. C'est mes bars, c'est pas une Benz. De Marseille, rien que je gamberge et je parle seul. Ils veulent rien, parle Zay. C'est que mon sang, t'es pas le seul. Sinon, quoi de neuf à part ça? Je te vois rien que t'enchaînes les persos. Et tu vois que dehors y'a personne, ils ont tous fait leur vie. Mais tu sais qu'on fait pas la guerre seul, tu recomptes tes ennuis. Petit frère, le chemin est long, des quartiers nord au centre-ville. Et je repense à l'époque où on traînait le ventre vide. Le salam à ceux qui voulaient briser mes rêves. Je suis parti d'en bas, fallait qu'on se relève. Moi je voulais vivre mes rêves, tu pourras lire sur mes lèvres. Salam à tous ceux qui voulaient briser mes rêves. Briser mes rêves. Je suis parti d'en bas, fallait qu'on se relève. Moi je voulais vivre mes rêves, tu pourras lire sur mes lèvres. Salam à tous ceux qui voulaient briser. La vie nous a séparés, pour moi t'étais comme un frère. Ta mère c'était ma mère, le sang ton père c'était mon père. Et à quoi bon s'attacher, de façon tout le monde veut sa part. Ouais, de façon un jour tout le monde part. Je faisais le tour de la ville à pied, aujourd'hui dans la Benzo. Peut-être que je suis trop fier, ma race usait des aides comme Benzé. Plus jeune je voulais plein de sous. Une mère pleure son fils dans un Benzo. Et tu sais que le 1-3 c'est race. À droite le canon si yeah. Étoile dans la race. À droite le canon si yeah. Qui vend de la cesse, sa tartine Camario. Réveil de ma tête, dinero madre mia. Étoile dans la race. Jeunesse détail, jeunesse mitraille. Je remercie Dieu, j'ai vu la faille. Je reviens d'Hawaï, je pars à Dubaï. 10 jours à Kej, t'es sur la paille. Millionnaire depuis longtemps. Ce soir, je dors pas sur le divan. Ma colombienne a perdu sang. Son père s'est fait tuer devant. Hey, toi et moi, ça peut coller. Hors du barrio, des fois, j'ai volé. Yo de 40, mais tu gardes ton voilier. Dolce Gabbana devrait bien t'aller. DZ, pas Corée. Bang, bang, tu connais. Général de ma cité, tout le corps décoré. On a le bon modèle, le pare-balles perforé. Pas de pointe devant la tête, mais reprise de voler. Olé. J'ai besoin d'un massage, tu sais qu'on a fait du sale. On s'appelle Drunk Killer. Je fais le vide dans ma life, j'ai mon équipe de chacal. Yo soy Drunk Killer. Tous de la même ville. On a tous acheté une belle villa. Oui, de la même villa. On a tous acheté une belle villa. MDMA ne marie pas Emma, elle traîne Ariana. Là depuis L.I.M. Eminem, locked up, man, he man. La ruelle 9-3-1-3 à 3%. On se voit trois fois, tu me dis le sang. Tout semble sans personne, j'échange. Neuilly, Herbel, Noisy, le grand. Oh oui, ma belle, choisis-moi. Que je retourne le sablier. Tous les vendeurs sont contents. Quand j'enfile le tablier. Viens traîner avec nous sur tu rentres avec les pompiers. C'est bon, gars, moi je récupère une petite papicha. Elle est trop mignonne, obligée de faire maigrir la quiche. Elle m'a dit, tu me dis quelque chose, ça m'a fait rigoler. Elle connaît tout le quartier, elle connaît. Gueule, c'est ça, mais c'est ça, part en couille, je leur fais jamais crédit. Une parole et deux hommes, ça suffit pour conclure un vrai deal. Il paraît que je suis solo, celui qui veut me tester ses chips. Je descends des vrais des hommes qui ont manifesté à ses chips. Bien à vrai dire, deux heures je zone en voiture. Je m'isole seul, je médite, tu m'as laissé seul, c'était dur. On peut pas se laisser faire, on fera le nécessaire pour crailler. J'utilise mes mains pour faire des lovés avant de bailler. C'est de la faute des assassins qu'on a vu passer en Cayenne. 10 ans plus tard, on fait la même dans un Q7, on vend la one. Ma petite elle est gang, elle veut pas apaiser mon âme. Elle dit bébé, fais leur la guerre. Chez moi tu peux cacher ton âme. Chez moi tu peux cacher ton âme, chez moi tu peux cacher tes billets. Mais si on se taillait quelque part, le temps de te faire oublier. Mais si on se taillait quelque part, j'aurais perdu des billets. Et si demain je ne hackerai pas, j'ai peur qu'ils m'oublient. J'ai peur qu'ils m'oublient parce qu'ils se rappellent que de la violence à l'appel. Leur faire confiance, c'est pas la peine. Ils veulent la guerre et pas la paix. Ils veulent la guerre, mais pas l'affaire. Ils t'envoient les gueules, pas la frère. V'là la France, ils jouent ma gueule, ils vont me canner comme pas la foi. C'est pas ma faute à moi si ce monde va mal. Je me demande où ça mène. Et l'être humain faisait du sale et ça avant où ça m'a. T'as pas capté que pour s'unir, ce serait maintenant ou jamais. Tu me diras que c'est déjà mort. La vérité cachée, c'est ce qui t'a fait, tu l'as pas mérité. Il t'a jamais dit la vérité. Laisse-le de côté, baby. Le rappeler, mauvaise idée. Ah, baby, maman, laisse tomber ton gars. Oublie-le, tu vaux bien mieux que ça. Sache que tu perds ton temps, mais ne fais pas perdre le mien. Si t'es pas prêt, je m'en vais. Tu me connais, pas le temps pour jouer les lovers. J'fly sur le corner, c'est la souffrance qui m'a forgé. J'suis pas comme eux. Qu'elle pense comme à lui. Okay. Elle m'a dit. Ton cœur à tout, plein de points de suture. Sans parler d'amour, je te ferai pas la cour. Oublie tout et tout, parle-moi du futur. Quand le soir je l'appelle, dans sa voix je ressens de la peine. Il nous a vraiment dit au nôtre qu'elle est belle. Je crois que je suis le seul qui la fait. Quand elle crie mais il est en général de porte, direction le sommet, la barrière brute. On a tout ce qu'il faut si tu veux faire la brute. Comme des mécaniciens, on les démonte. Ils invoquent des entités et des démons. Dans le studio comme à l'usine, génération 90 comme Dahuzi. On voit les profs que ça fusille, pétasse. J'aime bien quand mon argent double. Je me méfie des espions et des agents doubles. Je veux entendre la machine compter le cash en boucle. Je réfléchis comme si j'avais mon argent double. On passe au-dessus de comme des chasseurs. Shenzhen et Kay et les faceurs. A chaque match, si c'est pas buteur, c'est passeur négro. J'ai rempli des cahiers et des classeurs. J'aime bien quand mon argent double. Je me méfie des espions et des agents doubles. Je veux entendre la machine compter le cash en boucle. Je réfléchis comme si j'avais mon argent double. On passe au-dessus de comme des chasseurs. Shenzhen et Kay et les faceurs. A chaque match, si c'est pas buteur, c'est passeur négro. J'ai rempli des cahiers et des classeurs. Pétasse. Attaque des clones, chambre des secrets et les deux tours. Jugement dernier mort dans la peau et alien le retour. Négro, y'a que à l'argent que son jonc. J'suis comme le dragon dans le donjon. Je les vois d'au-dessus comme juste avant le plongeon. Négro, chaque couplet c'est des collectifs. L'un par un faut capturer tous les objectifs. J'ai 93.5 de collectif. Si sur mon intuit devient narcoleptique. Pétasse, pétasse. Et j'envoie toutes mes prods au déchiquetage. J'ai des voyants sur l'essentiel. C'est égal. Tu les vois plus comme ça. La bouma me vaillera. Plus d'amitié, plus de chat. Y'a plus de pitié. Je les allume avec un 5-20. Y'a plus de pitié. Je les allume avec un 5-20. Je suis dans un Audi flop. Tu sais très bien qu'on bloque. On l'a fait sans coup. On boit la taille au goulot. Tiara, faut faire platine. On est déjà plugué, on a déjà les plans. Deux jours, je me planque, il rappelle juste mon plan. Besoin de décompresser la zone, c'est trop tendu. On connaît les failles de l'industrie. Poteau, t'es néfaste, faut que je fasse le tri. Ça parle de Dior, Gucci, Fendi, mon tout petit. On les voit jamais acheter dans les boutiques. Faut faire du chiffre, j'avoue. La pratique, théorie, le chapeau. Dedans les bleus, ça fait pas de chandeau. Petit, c'est pas tant quel choix qui tranche. J'ai roulé ma bosse, ça fait faire frotter le toit. T'as pas dans les fours, on veut juste porter le toit. Il descend, trop corsé, le coco, les gars, il descend. On est en sac à dos, vite ton deck vénère. On fait du fier toute la veille, tous les jours, c'est mon défi. J'sais que je leur hantise, reconnaissent les Audi, reconnaissent les bandits. Mec, on a grandi, j'suis le contraire de Gandhi. 18 est floqué sur le maillot comme Gandhi. On peut plus recommencer, les dés sont déjà lancés. Une fois sur le ring, qu'il faut tous les faire danser. 80 BPM comme Tier Fanta Davis. J'suis là pour apporter le danger. Lunettes cannelées sur la relie. J'leur ai mis coup de rein comme si j'étais Ronnie. J'me suis pas calmé, j'suis encore en roue libre. C'est pas ta mérite juste qu'on soit grave impoli. Travaille. Focus, ambition, tu me vois jamais des. Et si tu me pousses à bout, tu verras des high. Je ne prends pas de robot, j'ai mis que des cracks affamés dans la compo. C'est fini en 25 quand je t'explique le topo. Fidèle au plafond, flingueur le logo. 2-4 Congo, j'ai commencé percé par Franco. Quelques années plus tard, j'ai tout pris dans le froco. Dressé comme Boho, la bécane fait ouin ouin. Tu demandes si c'est fort, on répond tous ouais ouais. Le déco, c'est pas vrai, je crois dans une série. On fly pour de vrai, man, d'un poussi, j'atterris. Big, big rock, swing comme Jackson. J'ai tout pour toi, mi corazon. Parle pas sur Jojo. Même si tu demandes pardon, de toute façon. J'ai tout ma vie de guerrier, les facile. Je viens d'en bas, pour moi c'était pas facile. On fait du fric, on est gang, on est célèbre. Ok, Yankee faut ralasse. Patron faut ralasse. Je me baisse et je ramasse. Yankee faut ralasse. Patron faut ralasse. clip faut ralasse. Patron faut ralasse, je fume la cana, loin de la croisette, je leur crache à la gueule, peu importe qui ils croient être. Yankli faut ralasse, patron faut ralasse, je me baisse et je ramasse. Yankli faut ralasse, patron faut ralasse. Yankli faut ralasse, patron faut ralasse, je fume la cana, loin de la croisette, je leur crache à la gueule, peu importe qui ils croient être. À la cité faut prouver, le travail j'ai le seum, quand je l'ai trouvé, il faut la baraque elle sonne, je me lève avec ma rage, je suis pas seul, je rajoute une page dans Apple, on court derrière le titre depuis longtemps comme Newcastle. On se cachait pour fumer pendant le mois du jeûne. Je suis blanc comme la coke, les riches sont bronzés comme la peau du blunt. Les chiffres sont tombés, on est loin du lum. Pas de quoi être mauvaise humeur, cache ta joie, ils attendent une erreur. Je reviens d'Amérique, toutes les putes se déclarent au shérif. Souffrance, spécimen rare, dans l'ombre comme un Eminem noir. Ils ont les dents longues, je les laisse bouche-pée sans boîte. T'as cru t'aller jouer sans moi. Sur la vie de ma mère, qu'on va les faire s'ils jouent trop. Ma cagoule à trois trous, mais on tolère aucun trou. Grandi dans l'illicite. C'est les petits qu'on incite, on a pris gros risque à cause. J'irai faire toutes les adresses, même si c'est au bout du monde. Avec le bénéfice de la semaine, sur la dernière Nike à la mode. Mon Dieu, dis-moi, pourquoi ce monde est immonde. Mais nique sa mère, je suis dans le cheport, y'a tous les modes. Les balles pleuvent, encore une famille mon père. Ça fait que de fringues dans mon secteur. Faites les keufs, dans nos points qu'on chante en cœur. J'ai grandi dans la street. Les bagarres, les descentes, la belle stress. C'est le pédo ou la Game Boy. Donc dehors à 11h30, j'coupe la quête de frappe en tranche. Polo, ça tourne de rouge. J'ai trop bossé, j'ai trop géré. Ces anges des quêtes, ma première love. Minuit, je ferme, je récupère. Je compte, je rejoins mes accamantes. J'suis trop déçu pour la couper en deux. J'roulais sans la clim dans la Clio 2. Maintenant, j'ai les sièges qui jouent dans la GT. Free my niggas, I miss my niggas. I need them free. I miss CDG, I might put this shit on a DVD. Yeah, I had a cougar, she was 32 and her TBT. Could have had a golden shower, I'm fucking a girl from France, she telling me we. I got an alligator with a pointy shoes, feel like I come from Congo. Took a trip to Toronto, back then I had a girl from Ajax. Saw Rick Ross in his jet on a runway, but it was me that landed to a Maybach. Arse Joni, New York don't know that I rap. I stepped to a joint, she calling me Modi. I ain't no hero. She want Novikov ideally, but she good with Nobu, Robert De Niro. I got a £1 million painting on a wall somewhere in Victoria Mirror. The man they're missing a nut, and my net worth missing a zero. I see man getting extorted, saying he blessed the hood. I put the Viv on Vivian, then she coming to Westwood Woods. Slimy, gain his trust, build that bridge and then burn it later. Back then I would've robbed my man and then helped him look for the purpose. I would've helped him look for the perpetrator. It's a mystery, spooky like somebody pressing a P on your web browser and you ain't played history. Beg man, miss me, look at him tweeting. I can tell that he don't pay rent. 31 days I grind, and that's in a month of Feb. I ain't got ink, my passport's tattered. You're talking tough, you ain't got bread. Opinions far from valid. I just land in France, they know my name. Feel like Cinch in Paris. My car hit time, let's be real. She knows I'm rich, so I eat it. Raconte-moi, à deux pas de chez toi, poteau, tu nous verras pas. Qui veut ma part? À 14 piges, on est début d'une cinquantaine. On a fini à 3. J'ai pas, tu t'es fait tout seul, t'avais besoin de mon aide. Espèce d'ingrat, qui t'a dit que la part des abeilles était à toi? Raconte-moi, à deux pas de chez toi, poteau, tu nous verras pas. Qui veut ma part? À 14 piges, on est début d'une cinquantaine. On a fini à 3. J'ai pas, tu t'es fait tout seul, t'avais besoin de mon aide. Espèce d'ingrat. Les années passent, les rancunes restent. Jamais balancer les copains, on a qu'une règle. Jamais balancer les copains. En tout cas au lycée, trop cage à les visères. Les jets bougés. Mineur alcoolisé, c'était bon la misère. Mon cœur est très solide, si tu veux l'ouvrir, je lâche moi. J'ai marié celle que j'aime, bande de petites chétanas. On te nique ta mère après, celui qui t'hôtait. En petite tenue, ton joli collant. Défile au télo, défile en talon. Ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant. Bœuf dans les poumons, je vois sur elle, j'ai impacté. Dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille est compacte, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, tous deux tard la night. Des flashbacks, tous deux quand on ride. Ouais, sur elle, j'ai impacté. Dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille est compacte, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, tous deux tard la night. Des flashbacks, tous deux quand on ride. T'es pas mon essentiel, je te fais du sale ma belle. Jamais tu pourras me rendre amoureux, et c'est pas la peine. Tu meurs couleur ébène, content que quand je touche ma paye. Et pour qu'elle se rappelle, elle repart avec une attelle. Je le ferai si je le prends, mais baby, je peux plus ralentir. Je peux plus ralentir, je peux plus ralentir. Je suis broliqué dans l'appartement, mais je peux pas mentir. Mais je peux pas mentir, mais je peux pas mentir. Arrête tes blaires, cousine. Arrête tes blaires, cousine. Elle veut la montre, elle veut la coupe, elle veut le jacuzzi. Je suis pour Lamborghini, en Fendi Burberry. Je recompte un peu, je mets de côté, je prends un sur la route du succès. J'ai merdé là, je suis menotté. Je vais pas te ramener la lune, soit tu suis souvent chez ta mère. On fait le salaire du Barça, on fait rentrer plus de 300K. Donne tout au Yankee, je vais regarder pour ses lobes ça. Même quand je suis sous, je m'en sers un autre. Même quand je suis sous, je m'en sers un autre. Et quand t'aimes sous, j'en baise une autre. Et quand t'aimes sous, j'en baise une autre. Même quand je suis sous, je m'en sers un autre. Même quand je suis sous, je m'en sers un autre. Et quand t'aimes sous, j'en baise une autre. Et quand t'aimes sous, j'en baise une autre. K2A270, sors la cala comme Koba. T'es une joie, un flow quand tu vas pas nous apprendre qu'on sait déjà. J'prends ta soeur et le gros moteur. T'as capté, j'suis né sans cœur. Mes poches sont remplies de sous, les diamants dansent sur mon cou. J'cuisine la dope toute la night, j'suis en slip comme Walter White. Pas le temps pour les 1 contre 1, t'as vu c'est 9-3-9-1. J'fais des mélanges comme un chimiste, j'suis 2-3 chargeurs comme Ramis. J'mets les gonflés de Médard, ça sent les portes au Milan. J'ai perdu le gant, j'ai ma paire de requins. J'ai fini mon temps en plein, on se reverra demain. J'ai mis la paire de gants, j'ai ma paire de requins. J'ai fini mon temps plein, on se reverra demain. J'sais pas comment t'expliquer, j'peux pas nuire à cogiter. Si demain gros ça tire, trop peu font les excités. On connaît la vérité, non tu peux pas me la mettre à moi, yeah. Quand elle vise d'en bas, yeah. Quand elle vise d'en bas, yeah. Tourné, j'ai rien lâché, j'ai charbonné. Elle veut que je m'attache, elle oublie tout quand le soir je l'attache. Non, parlons peu, parlons cash. Moi y'a que l'oseille en qui je m'attache. J'ai réalisé mon rêve de collégien. J'y vois plus clair dans ce monde de chiens. Je suis en foulie, j'ai pas de chaîne. À maman je paye une nouvelle machine. À maman je paye une nouvelle machine. Que le boulot y'a pas de magie. On a collé de qu'on agit. Avec le temps ça s'agit. J'ai mis la paire de gants, j'ai ma paire de requins. J'ai fini mon temps plein, on se reverra demain. J'ai mis la paire de gants, j'ai ma paire de requins. J'ai fini mon temps plein, on se reverra demain. J'sais pas comment t'expliquer, j'peux se à cogiter. Si demain gros ça tire, trop peu font les excités. On connaît la vérité, non tu peux pas me la mettre. Radar, je suis dans les 300. J'aime bien la courbe tant qu'elle est croissante. On fume plus que dans les années 60. On a le gang shit comme si je suis dans les 60. Je mets 3 points compliqués et 2 points simples. Je suis passé de 101 à 2.5. Et chic, Dieu surveille mes arrières. Mais j'ai des shooters précis comme des arrières. Et je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. La prod se fait foudroyer, j'ai 4 sables laser que je fais tournoyer. J'aime que les policiers qu'on peut soudoyer. Je prends de l'âge bientôt, faudra me vous voyez. J'allume l'instru au Six Hour. Je vois des mini mois comme dans Austin Power. Négro, j'arrive dans le rap jeu comme le vol 93 au Twin Tower. Il me faut plus de chaînes que STJ. Des baraques entièrement faites de pierre d'Égypte. Chaque prod reste dédié et mettre des gifs. Argent dans ma tête, je pense qu'à faire des chiffres. Audio crack, suicide, faut la dose. Et sur les fanatiques, les aficionados. Fume Vladjem ou Vladicolato. Gros verre de lin comme si ça l'a pris au lacrosse. Et Suzuku pour les artefacts. Et Suzuku pour les artefacts. Faut que je fasse attention et que je garde les sacs. Faut que je fasse attention et que je garde les sacs. KGB et Kedoyo. Je roule plus que les Toyo. Faut les jets privés, les gros yo. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je J'arrive, je prends tout, je laisse rien et je décale. J'en veux beaucoup, je marche pas avec des pédales. Je suis fier comme Goku, pour mes frères, je me pédale. T'es bizarre, je te vois, tu baffes sur métal. Il me faut des sous, je veux que des tales. Fumer, je vois flou, je m'enfuis, faut que je me taille. Je me vois partout, je repense à mes failles. Je vois du noir, depuis petit je mets une bataille. On passe tous par les époques, chacune d'entre elles, je sais qu'elle sera plus dure que l'autre. Je reste fidèle au mien, la 320, c'est que moi je serai jamais des vôtres. C'est, j'ai vraiment trop de choses à faire, j'ai des priorités, je veux la vue sur la côte. J'ai même pas ma part, tu veux taper un croc pour le papier posant de l'école, je fais rimer des mots. J'ai des fautes, j'ai des blessures, plus peine gros faut des sous. Avec la déterre, on va tout surmonter. Je démonte, tu descends, et de janvier à décembre, au studio acharné, je peux plus recompter. Dois coffrer des blagues, les mettre sur le côté. Pas conscient de ce qui se passe, je vois qu'on me reconnaît. Dans la cabine, c'est ça, je viens pas déconner. Favé de la c'est un crime qu'on commet. J'attends le temps pas, j'apprends plus les ours, moi j'ai une plaque, on se rapproche. Avant, je pense à avant, le passé c'est taille, je pourrais pas me raccrocher. Écrire, je le fais constamment, je grandis tous les jours, j'en prie mes poches. Mes chambres, c'est qui t'amende, si tu dois des sous, ça sert à rien. Famille, avis, épaule sur l'épaule. J'aime bien compter mes billes, j'aime pas compter sur les autres. On m'a dit, faut que tu sois réaliste, que tu rêves plus petit. Mais moi, ça m'allait pas. J'ai appris, j'ai taffé le truc avec mes gars. Et très vite, j'ai capté la méca. Je sais que c'est pas éternel, j'aurai plus aucun rêve quand ça s'arrêtera. Du coup, j'ai qu'un truc à faire, coffrer quelques millions d'euros. C'est le prix de mes rêves. J'ai repris les rêves, c'est moi qui écris les rêves. Quelques millions d'euros, c'est le prix de mes rêves. J'ai repris les rêves, c'est moi qui écris les rêves. Quelques millions d'euros. Sur le déco, maman kiffe trop son ghetto, donc on a refait la déco. Quelques millions d'euros, le reste sur le déco. Maman kiffe trop son ghetto, donc on a refait la déco. Y'a du démon quand il fait beau. Ah, les gens ça change comme la météo. Ah, qui sera encore à mes déco. Ah, si un jour je repars à zéro. Ah, j'ai fait ce qu'il faut là. Ils ont des clés de mon travail. Parle de moi, mais moi ça va. Dans les banlieues, j'sais que j'me pavane. Dans le ghetto, y'a pas de vin. Ils ont négligé mon travail. Tu parles de moi, mais moi ça va. Dans les banlieues, j'sais que j'me pavane. J'me pavane. Je vais quitter le pays. Pendant 2 mois, je vais quitter Paris. Pour me défendre, je vais prendre mon béni. J'ai des amis qui sont devenus ennemis. C'est trop violent, donc faut se faire pardonner. Single de Jama, faut des billets violets. C'est trop violent, donc faut se faire pardonner. Single de Jama, faut des billets violets. J'ai grandi dans la rue. Je m'en fume un kilo. Je roule en palette, il me faut des palos. Allô, je vois plus les panneaux. Toute la noche, c'est pépé, allô. C'est pépé, allô. Je m'en fume un kilo. Je roule en palette, il me faut des palos. Allô, je vois plus les panneaux. Toute la noche, c'est pépé, allô. C'est pépé, allô. Tout va peiner, derrière moi les guerres que j'ai menées. Quand y'a Dra, tu sais qui appelait. J'mange avec les loups, j'suis azelé. J'fume la frappe, j'fume la frappe, j'suis dans le bas du rabat. Il fait le fou, il fait le kabib devant le gang qui crapote. Moi j'la tue tous les jours devant Flo et la meuf. Comme Dembé, j'fais ça bien, j'pousse belé, j'quitte la deux. Si tu veux que je t'en mette plein la vue, je commencerai par le visage. Enfance difficile, je suis devenu très sauvage. Par la vie, gros, j'ai rien à perdre. Ils font que parler, j'ai rien à craindre. Dès que je prends le micro, c'est pour éteindre, pour éteindre, pour éteindre. Ça m'appelle quand y'a des problèmes. Ces fils de pute m'appellent par contre s'il faut qu'elle. En DM, y'a des colombiennes, des mexicaines, y'a aussi des portoricaines. Elles essaient de parler français. Et très souvent, elles me discriminent, je t'aime. Tu vis encore chez tes parents, tu joues à la play et t'approches la quarantaine. Va faire un feat avec Tribal King. Bientôt, j'annonce mon retour à King. T'écartes tellement les jambes. que ta rap la plus balgie. Tu racontes trop ta vie pour un mec dangereux. Tu racontes trop ta vie pour un mec dangereux. Elle me kiffe parce que je suis trop gay. Inspiré de Kia et Wu-Tang. Le crochet de Messi face à Boiteng. On règle les problèmes en interne. Ici la violence est extrême. On se dessus comme au western. Je prie de nous bénir ce que je connais. Y'a deux fois le micro, il faut je mange ma pièce. C'est nous, tu vois, en bas de la tour. Jamais très loin du four. Dans tous les mauvais coups, c'est nous. Les fouteurs de troupes, c'est nous. C'est nous, tu vois, en bas de la tour. Jamais très loin du four. Dans tous les mauvais coups, c'est nous. Les fouteurs de troupes, c'est nous. C'est nous les vrais négros. Tout. Des gars, c'est des flocons. Ça, voilà les gens flocons. J'ai perdu la tête négro. On revient à cette négro. On piétine ta tête de con. Gambino la M. Gosse qui leur traque. J'ai perdu la tête négro. On revient à cette négro. On piétine ta tête de con. S'ils connaissent pas en musique, mais sur Twitter, ils font les puristes quand je me fâche. Si tu me cherches, je te casse les dents, c'est moi ton dentiste. Viens chez moi, ton bigot, je confie. Sauf si tu passes au garage coffee. Qui veut quoi? Qui est qui? Je sais plus qui est là, juste par profit. Je veux soulever tous les trophées, je suis dans la végétale comme Truffaut. Elle mérite pas de monter dans le féfé. Je lui prends un Uber direction F1. Moi, je suis un charreau, ça vient du 9-1. Arrête de mentir, ça vient sous le coussin. Moi, si Aja, je ramène mes cousins. Vas-y, reviens, mais le pré-refrain. C'est nous, tu vois, en bas de la tour. Tu sais pourquoi je t'aime tant? J'ai jamais tant donné à personne d'autre. C'est vrai, j'ai pas reconnu mes fautes. Des erreurs, j'en ai faites, mais peu importe. C'est pas comme t'étais promis à la mort, à la vie. J'aimerais que tu bouges ton corps. Ce soir, j'ai un peu le temps. Tu sais pourquoi je t'aime tant. J'ai jamais tant donné à personne d'autre. C'est vrai, j'ai pas reconnu mes fautes. Des erreurs, j'en ai faites, mais peu importe. C'est pas comme t'étais promis à la mort, à la vie. Vas-y, ça me saoule. Je la casse, je coupe tout dans la nuit, je taille, je dis si you soon. Salut. Faut pas nous prendre pour des clowns. Wow. Tu nous vois humble et cool, élevé, Christian, t'es hors cool. Vendez les potes, t'es un client court, on fournit la bœuf, les clients court. Abattu, gonfle les becs, abattu, balle pleine tête. Et t'apprends, je nique ta fête, ta balafre, va leur dire kick la fête. J'arrive pop, top, je me sens comme un Wheezy Wheezy. Bébé, c'est le dernier gamos qui t'a mis des étoiles dans les yeux. J'aimerais que tu bouges ton cas. Verger comme un piggy bank, comme ça, j'ai un peu de genre. J'aimerais que tu bouges ton corps. Ce soir j'ai un peu le temps. Je vais tôt, plus quand j'ai RC. Je suis dans le vaisseau. J'ai pas de son en VRC. C'est nous les road boys. 4 anneaux RS6. On prend le mago sans dire merci. Sous le préau, je vais de percer. Tout pour le mago. Et les gyros m'ont bercé. J'en attache deux pour la recharger. J'attends pas que l'oseille tombe quand je vais la chercher. Jusqu'à la mort doit à la haine. Jusque le jour doit à la nuit. Je vais faire un boucan terrible en sortant du fer. Trappler ce que le silence doit au bruit. Yeux noirs élevés par des veuves. Postichés dans un macan S. Ma tête et mon cœur font la gueule. Donc je les regarde comme s'ils avaient ma pièce à four noir tout au fond du ventre. J'ai des amis morts plus que deux saisons. Quelques raisons de prendre un peu de caisse et de faire une guerre près de la maison. Les cicatrices causent autant que leur regard. Rasé l'étane. J'ai conduire une tire, puis que je suis assez grand pour toucher les pétards. Devant ta petit peu, plein de cheat, depuis 10 ou 15 piges. Plein phare, je double par la droite. Argent sale, sans les mains moites. Corneau, pouf, j'ai trop compté d'espèces. J'ai le monté, le démonté d'espèces. On tourne, les derniers deviennent brumes. Si j'écoute ni les rondinés, les ouest-ouest. Oh, je vais tôt, plus que tu RC. Je suis dans le vaisseau, je crois que ça m'a fait RC. C'est nous les road boys, 4 anneaux RS6. On prend le mago, sans dire merci. Sous le préau, je vais de percer. Tout pour le mago, les girons vont bercer. 30 et j'en attache deux, pour la recharger. J'entends pas que l'oseille tombe, je pense la chercher. Je connais la suite, les problèmes y'en aura toujours un autre. Je continue le chemin, je connais mes appuis. C'est pas sur moi que tu vas rejeter la faute. T'es pas renseigné, tu voudrais les histoires voir les gens. Bizarre connaître les vrais visages, les yeux dans les yeux. Regardez la magie déjà qu'on en sait trop. On demande pas au soleil pourquoi le ciel est bleu. Wow. On saura jamais comment ça va finir. Chance à mon taillère, à ce que je veux acquérir. J'ai toujours avancé, jamais voulu guérir. Longue vie sur le poignet, mais putain j'ai rien vu. J'ai fait ce que je voulais parce qu'il aurait fallu. J'ai l'impression d'avoir vécu à l'envers. J'pense qu'à mon avenir, mes yeux sur son carré. J'ai d'amour autour de moi et la santé. Qui pourra m'arrêter? Pas la 5G. On prend plus le temps de trop se manquer. On se regarde tous avancer. J'entends le danger, mais je fais ça pour manger. Quand je regarde dehors, je me dis que rien n'a changé. J'entends le danger, mais je fais ça pour manger. Je regarde tout droit, j'essaie de ne pas y penser. Nanana, nanana, nanana, rien n'a changé. Nanana, nanana, nanana, rien n'a changé. Rien n'a changé.